dur de dompter l'inverse. Parlerai jamais toi, t'es le tonton, t'es la veine. Ah, sur les toits, on fait tomber la verte. Et criminel, t'inquiète, on fait avec. 9 mm, jour de dompter l'inverse. Si je roule ces courses poursuites, moi j'ai même pas le mi-père. J'emmerde ce foutu game, tu verras pas mi-père. Déjà mis une peine dans le cœur, même pas la quarantaine. Profite bien, auditeur, rap, c'est qu'une parenthèse. Tout est HD, moi j'suis dans une école, t'es pas dans le thème. Sur la télé, on mettait des fourchettes quand y'avait pas d'antenne. En vérité, j'ai même plus pourquoi j'écris ça. Ah ouais, sûrement pour disperser cette grisaille. Des freestyles, des titres sales, des big sacs, des petites salles. Des contacts bizarres de Stockholm à Ibiza. Au feu rouge, tu peux te faire fumer par un livreur pizza. Les petits armes vivent dans le vice et son design. Ce monde s'auto-détruit, j'ai vu le diable et son visage. La dounia frérot, c'est moi, j'suis ni bon ni sage. Mais j'ai pas une paire dans ses uns, c'est son tissage. Des plaies qui s'accumulent, l'amour qui s'atténue. Il ferait tout pour des likes, donc partout ça se dénude. Malgré mes délits, je me dis que chez l'élite ça délire. Y'a pas d'eau potable pour tout le monde, mais t'inquiète, y'a des satellites. Je lance des atémis et je finis par des coups de crosse. Beaucoup d'amis, qu'un associé, jamais je joue le boss. J'aime trop l'oseille, j'aime trop quand l'alias est toute grosse. Malheureusement, certains au poisson comme des jukebox. Pas de balance. J'parlerai jamais, toi, t'es le tonton, t'es la veine. Jamais. Arra sur les temps, on fait tomber la verte. Vite criminel, t'inquiète, on fait avec. T'inquiète, on fait avec. 9 mm, dur de dompter la veste. Je sais pas si c'est moi ou bien c'est le monde qui tourne à l'envers. Y'a des hommes, c'est des grosses salopes comme dans les vitrines à envers. J'suis solo, j'allume un perso, personne peut s'enterrer tout seul. Le gros, le poteau, le pactole, j'suis venu recracher tout le somme. Les gros joints dans les sous-sols et les sous-sales qu'on a fait. D'avoir balancé, on te soupçonne et c'est pour ça qu'on t'a fait. Fais lever comme un vatoche, comme un prince de la ville. Tu te fais lever comme un orcoche, comme un gros du Mexique. Tout en GG, danger quand ça sort de Habs comme Mitch. Tout en léger, danger quand j'ai flow à Roderick. J'suis pas mis d'or autour du cou, j'suis pas venu pour briller. J'suis pas mis d'or, j'étais sur un coup, plus d'un coup tout avril. J'ai vu trop de vies, des milliers, des faux déguisés en vrai. Dans la rue, trop de putrons, il y a Flo et qui s'est entré. Dans la lutte, des ressources, des ratés arrivés en prêt. On a vu trop de choses qui seront les générations d'après. Pas de balance. Parlerai jamais, toi, t'es le tonton, t'es la veine. T'es le tonton, t'es le tonton, t'es la veine. Arra sur les temps, on fait tomber la veine. On fait tomber la veine. Vite criminel, t'inquiète, on fait avec. T'en fais pas pour nous. 9 mm, tu te comptes l'inverse. Parlerai jamais, toi, t'es ton temps, t'es la même. Jamais. Arra sur les temps, on fait tomber la veine. Combien? Vite criminel, t'inquiète, on fait avec. T'en fais pas pour nous. 9 mm, tu te comptes l'inverse. Enfoiré.